Les blancs ne font plus d'enfants. Pourquoi? Non, mais c'est pas la faute des Africains. Est-ce que j'ai dit ça? J'ai pas dit ça là. Au contraire. Au contraire. Moi, je n'aime pas les blancs qui disent oui, mais les noirs, ils font plein d'enfants. Vous n'avez qu'à commencer vous.